qu'un matin ou un jour, sans revenir sur nos amours, elle se laisse aller à son tour au jeu d'une amitié fragile. Ça se passera ou mal ou bien, et dans le lieu qui lui convient, au pire on se verra pour rien, nous ferons un geste inutile. J'ai bien peur de l'avoir perdu au pire moment que j'ai connu, celui du temps de mes débuts, au seuil des années difficiles. Parce que j'avais la tête ailleurs, vouloir la gloire et le bonheur, tout ce qui s'attache au vainqueur, au prix d'offenses indélébiles. J'ai beau refaire et redéfaire ma vie, j'appelle toujours ma première femme, ma femme. Peut-être bien qu'elle aussi s'en souvient, j'appelle toujours ma première femme, ma femme. Moi je m'étais dit, quand les enfants auront grandi, tout se confondra dans l'oubli, le temps nous rendra moins hostile. Avec le passé, les regrets, la plaie ne se ferme jamais. Il y a des soirs où je me hais, mais je me connais versatile. J'ai beau